l'émission, une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Caris. 19h53 en direct pour le Planète Rap avec Caris. Ouais. Ça va? Bien ou quoi mon gars? Bien entouré? Il y a du monde. Je crois qu'il y a du monde, ouais. Sevran est là. RGT. Je vois des gens qui... Les Chalands, Cité Basse, Cité Bleue, Cité Blanche, les 4 Tours. Tout le monde est là, les Bedottes. Et je vois, force. Et je vois des gens qui ont envie de... Qui ont faim, qui ont envie de manger le micro. Il n'y a pas que moi à Sevran, poteau. Il y a même mon gars de Bobosh là. Wormstee. Wormstee. Ah mon gars. Wormstee, à la française. Il n'y a pas que moi à Sevran. Ce soir, c'est le 93, hein. 93, c'est sûr. Pote. Bon, tout va bien. Tu es là. Cette journée. Chalons, cette journée bien passée. Ouais, ouais, très bonne journée. T'as été très belle journée, il faisait beau aujourd'hui. Mais il faisait super beau aujourd'hui. Ouais. Un temps magnifique. La voiture est roulée bien sur le bitume. Avec le son? Avec le son et tout. C'est quoi? C'est hors noir qui tourne forcément? Non. Dans la voiture? J'écoute des instrus. Ah ouais, qu'un instru? Des instrus ou du son qui arrive. D'ailleurs, tu valides toujours Young Scooter tranquillement. Tu valides toujours en bagnole les sons aussi, pareil, c'est important. En bagnole, ouais. Plus souvent, ouais. Le plus souvent. En studio direct. Au studio? Ouais. Bon, en noir par deux et dans les bagues, vos messages, c'est parti, 41-759, vous les balancez avec le hashtag Caris sur Skyrock. Et on le disait, donc beaucoup de monde ce soir, il va y avoir un gros freestyle de prévu. Gros freestyle, je vais laisser rapper les autres. Ouais. J'ai lancé rapper moi. T'as envie de laisser les autres rapper? Ouais, ils vont se présenter un peu tranquillement quoi. Tous ceux qui sont venus. Après un jour, Inch'Allah, sera à leur tour d'être là à ma place. Et bah qui sait? Qui sait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bah on souhaite bonne chance à tout le monde et on aura donc un gros live tout à l'heure. Si si. On débute avec le morceau à l'heure, c'est parti? Direct. Allez Caris. Notre invité toute la semaine sur Skyrock. Chaque son string, je suis combat, toutes ses faveurs. Malheur, mon frère, ma sœur. Leurs glooms sont faits de feu, je sens leur chaleur. Rien à foutre que l'air soit toujours plus vert ailleurs. J'la fumée, je survole comme un planeur. J'tends pas la main, j'tends le majeur. Les braqueurs n'ont pas de pièces pour l'orogateur. Je vide les couilles et le chargeur. Donc j'suis dans leur collimateur. Sauf si je meurs, je remonte du fond de la nuit. Clic 762 dans les tuyaux. Je suis la genèse. Avec une main je rédige ma thèse. Dans l'autre main je tiens le crâne de Lucèze. Je préfère le chant du usine à celui de ton R&B. Je vis la pute jacuzzi comme tous mes négros et tous mes albis. Quand la nuit ouvre ses ailes, elle me dit que je lui plais. Je n'ai plus d'encre pour elle, donc je trempe ma plume dans ma plaie. Mon flot traverse comme un astre filant, percute le sol comme un missile Milan. Dis machallah, raconte pas de blabla, ma voix t'emporte plus loin qu'Ascala 2000 ans. 270, 270, des départements depuis le berceau. Regarde mon teint, pas de plaisantin, j'suis gravé dans la roche comme de l'art byzantin. Ma rime s'imprime dans ton cerveau comme des résidus de crack et d'héros. Nouvelle opus est tellement chaud que la mère de chaque Azulu en perd ses os. J'en ai perché. Je me rappelle plus des versets. Où est l'étoile du berger? Animal sans empathie, en kaki quand ça me fatigue. Je ne parle plus que de farci, plus de capital sympathie. Faut vous résoudre, j'fais un carnage, défonce tout sur mon passage. Qu'est-ce que tu vas faire à part te recoudre avant le mariage? Pas qu'on rabanne en plein délire, tu me dépannes de l'Afghan. Je m'enflamme sans méthane, je tombe comme la station Mir. Tous leurs démons ont des prénoms. Je sais qu'ils existent sous une tornade de grêlons. Mon armure souffle mais résiste. Je ne regarde plus avec les yeux, je regarde avec le cœur. Je ne crois plus en leurs discours, ils ont tous des prompteurs. C'est Caris, notre invité entre 20 et 21 avec À l'heure, extrait de Or Noir par 2 sur Skyrock. 270 pour toi. 270, également Thérapie, qu'on peut saluer l'équipe de Thérapie, ceux qui bossent avec toi. 2093, 2031, Fantôme, Loxon, 4124. C'est eux qui font les sons, qui bossent. Ouais, c'est eux qui bossent. Qui bossent sur toute cette partie artistique, justement. Qui bossent en sous-marin. Juste avant que tu rentres en studio, en cabine. Juste avant que je rentre dans la capsule. Tu vas assez vite, toi, à poser sur les morceaux ou pas, Caris? Ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux que j'écris vite, il y en a que je mets du temps. Mais tu reviens souvent sur certains morceaux ou quand ils sont faits, ils sont... Non, quand ils sont faits, ils sont faits. Ça y est. On revient pas dessus. Jamais. C'était le cas avec À l'heure, celui-ci. Exact. Il a glissé, hop, enregistré, c'est posé. Hop, bim bam boum. Bim bam boum. Bon, il y a du monde ce soir du 9-3. Pas que de Sevran, mais beaucoup pas de gens. Pas que de Sevran, mais beaucoup de Sevran et il y a du 9-3, ouais. Des gens qui vont rapper. Bini, Boboche en force. C'est l'idée, c'est voilà. C'est pour tous les mecs de Bondy. C'est que tu les mettes en avant aussi. Je les mets pas en avant, ils se mettent tout seuls en avant. Je représente personne, moi. Ils n'ont pas besoin de moi. Tu te représentes toi-même déjà. Je les représente tout seul, c'est suffisant. Faut pas croire qu'il y a des petits ou quoi que ce soit. Il y a aucun petit, là, il y a que des grands. Voilà. Et bon, on les écoutera rapper. C'est juste que. C'est mon planète rap, c'est tout. Bientôt ce sera l'heure et j'espère qu'ils vont m'inviter. Ils vont déjà m'inviter quand sera ton planète rap. Ah, normal. Okay. Si. Attention juste au casque. Hop. Voilà, parce que comme il y a beaucoup de monde, ça risque de l'arsener. Il y aura donc du live en fin d'émission. Ouais, ils vont faire un gros live. Un gros freestyle de prévu. C'est à leur tour de rapper. Et on va remettre un extrait de Or Noir par 2 peut-être maintenant. Comme jamais. Tu mets l'intro. Un intro? Ouais. On devait pas mettre qu'il est? L'intro et après qu'il est. Ah ok, donc à découvrir qu'il est si vous connaissez pas encore le morceau. Dites-nous aussi vos morceaux. Mais qu'il est en premier. Qu'il est en premier. Ouais, c'est mieux. Et dites-nous vous aussi hein, si vous avez récupéré déjà, si vous avez déjà récupéré le Or Noir part 2, vos morceaux préférés dessus, ceux qui ressortent, on nous parle beaucoup du Sevran aussi. 41759 avec le hashtag Caris sur Skyrock. Et le morceau qu'on écoute maintenant s'appelle Qu'il est. Direct. Sachet rempli de cailloux, nous on est venu pour dealer. T'as lâché son mes voyous dans les rues, c'est stylé. Dès que t'entends le bip, c'est qu'il pleut des billets. Dès que t'entends le clic, c'est que le game est plié. Je leur baisse leur arme, pas le temps de crier. Je les écrase, pas le temps de piler. Rien à foutre, je me suis fait, j'ai trimé. Pas de doute, je suis né pour qu'il est. Toxique vers le haut, face contre terre. Toxique comme les roses, j'passe pas tes artères. Rigoute absolue, belvédère ton père. Écoute où je bute, la mère de ton père. J'ai le mal de vivre, je rappe, j'fais du son. L'animal dérive, errate tous les fonds. Tu veux ma chemise, t'auras que du plomb. Je ne fais pas la bise, braque dans le pion. Sachet rempli de cailloux, nous on est venu pour dealer. T'as lâché son mes voyous dans les rues, c'est stylé. Dès que t'entends le bip, c'est qu'il pleut des billets. Dès que t'entends le clic, c'est que le game est plié. Je leur baisse leur arme, pas le temps de crier. Je les écrase, pas le temps de piler. suis fait, j'écrivais. Pas de doute, je suis né pour killer. Vision infrarouge, je vais vous délocher. Python dans ta bouche, je vais tout délever. Pilon, Audi, couche pour tous les droguer. Disons qu'on est louche, faut nous menotter. Je vais vous désosser, oui, je vais vous bolosser. On est négro, c'est riz, faut nous développer. T'as raison, gros, gros, à la maison. Cargaison, gros, flow, à chaque saison. Sachet rempli de cailloux, nous on est venus pour dealer. T'as lâché son mes voyous dans les rues, c'est stylé. Dès que t'entends le bip, c'est qu'il pleut des billets. Dès que t'entends le clic, c'est que le game est plié. J'leur baisse leur race, pas le temps de crier. J'les écrase, pas le temps de piler. Rien à foutre, je me suis fait, j'ai trimé. Pas de doute, je suis né pour killer. Parle-moi de bif, ou j'ferai pas la bif. Bélec à la gif, chez moi c'est maladie. Devine qui reste qui, plus violent qu'une béquille. Elle a les yeux qui prédit, et j'ai la queue qui prédit. T'es trop sûr de toi, faudra que je t'examine. Je suis sur le toit, t'es sur la mezzanine. Tu crois que je suis ton pro, c'est que t'es trop ni. Regarde bien mes crocs, regarde mes canines. Sachet rempli de cailloux, nous on est plus pour dealer. T'as lâché son mes voyous dans les rues, c'est stylé. Dès que t'entends le bip, c'est qu'il pleut des billets. Dès que t'entends le clip, c'est que le game est plié. J'leur baisse leur race, pas le temps de crier. J'les écrase, pas le temps de piler. Rien à foutre, je me suis fait, j'ai trimé. Pas de doute, je suis né pour killer. Le morceau s'appelle Killer à l'instant. Killer. Celui-ci, tu veux dire un mot sur ce morceau, comment il est né un peu, celui-ci, Caris, il est... Comme les autres au feeling. Il a une histoire particulière. Non, au feeling. Non. Comme les autres. T'en as d'ailleurs sur cet album où il y a des histoires un peu particulières, je sais pas, quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui fait. Il n'y a aucune histoire. Le son, il arrive. On kiffe, on écrit dessus. Inspiré. Comme tous les artistes, je pense. Tu notes tes punchlines. Voilà, les punchlines de côté, des punchlines qui arrivent de je sais pas d'où. Et voilà. Il y en a en réserve des punchlines ou pas? Toujours. Ouais. Quelques-unes qui arrivent comme ça, hop, tu dis, tiens, tu fais quoi toi? Tu mon cahier, il est refait. Ah oui, c'est ça, tu notes, tu notes souvent. Je note partout, sur mon cahier, sur mes portables, tranquille. Plutôt, ouais, le côté où, voilà, où d'un seul coup tu vas retomber sur. Ça t'est déjà arrivé d'ailleurs de retomber sur des punchlines en disant merde, j'ai pas encore utilisé celle-ci, elle était trop forte. Si, si, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de tomber aussi sur des punchlines que j'avais déjà utilisées et je savais plus que je les avais utilisées. Ah ouais, ça te ouais. fait aussi ça? Ça fait ça aussi. Bon, et puis il y en a certaines aussi, je suppose, qui passent à la trappe parce que tu dis, j'étais pas inspiré ce jour-là. Je crois pas, donc je les écris pas quand c'est pas bon. Ah ouais? Ouais, quand c'est pas bon, je les écris pas. Bon, et bah très bien. Bah, on découvre le Hors Noir Part 2 qui sera, qui est dans les bacs depuis lundi. Ouais. Qu'on peut télécharger légalement. Si. Allez-y, allez cliquer dessus. Direct. Récupérer le Hors Noir Part 2. Ouais. Et puis il y a un gros live qui se prépare avec une équipe dissipée ce soir gros dans le studio. Gros live qui se prépare avec une équipe bien sale. 93 en force, Sevran. S'il pouvait y avoir des mecs d'ailleurs, on les aurait ramenés aussi. Mmh. On commence par nous d'abord et après. Voilà, il y a le côté, ouais, le côté 9-3, côté la maison. Ouais, côté la maison. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui rappent à Sevran, justement. Beaucoup de rappeurs à Sevran, ouais. Je suis pas le seul. Et ils ont faim. Le fait, ce soir, ils vont croquer le micro. Le fait que tu sois en lumière, tu penses que c'est bien justement que c'est important pour ceux qui suivent derrière ou ceux qui sont là même d'ailleurs depuis un petit moment. Je sais pas, frère. Mmh. Le fait que je sois en lumière, c'est le problème de personne en fait. Ouais, chacun son truc, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Parce que je souhaite la lumière aux autres aussi. Parce que toi, ça, justement, il y a eu tout un parcours avant. Tout un parcours. Après, chacun son parcours différent, tu vois. Il y en a qui arrivent à 22 ans, il y en a qui arrivent à 30 piges. Ça dépend des gens. Moi, toi, c'est le mien, je peux pas revenir en arrière. Toi, tu savais que t'allais y arriver un moment ou un autre. Quoi qu'il arrive. Ouais, t'étais. Quoi qu'il arrive, j'étais sûr. J'étais sûr et certain. Tu ne voyais pas arrêter le rap, justement, en se disant, bon, bah voilà, il y a un moment, passe à autre chose. Non. J'étais dans mon trou, tranquille, tu vois. Mais je savais que c'était le bon trou. Mmh. Tu vois. Voilà. Au passage, j'ai vu la petite forêt qui brûlait là. Ah, ouais, voilà. Bah, je voulais. J'ai vu le petit feu de camp. Tu veux dire un petit mot parce que c'est ouais, ouais, j'ai vu un petit feu de camp, j'ai vu ça. Il a eu des petits frissons, donc il s'est allumé un petit feu avec ses sept nains. Tranquille dans son petit alors, bois. Juste pour expliquer, c'est vrai que c'est un petit peu le feuilleton chaque soir entre 20 et 21. Yabouba qui a envoyé sur Instagram une vidéo où c'est une forêt qui commence à brûler, j'ai l'impression, ou du ouais, moins. C'est la forêt de Meudon, c'est ça. En tout cas, dans le message. La cabane, la cerbacane. Et... Dans le message, il dit pas ça. Il dit que bientôt, il va le prochain. Enfin, il te lance un avertissement en disant voilà, bientôt la vérité. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de vérité. Chacun sa vérité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une interview avec Chris Matahari où il va parler, ou je sais pas, il va balancer quoi. Il va rien faire du tout. Il n'y a rien du tout. Moi, je. Il n'y a rien que tu peux craindre? Je m'en bats les couilles en fait. En fait, je m'en bats les couilles. Tu vois, le problème, je vais t'expliquer c'est quoi le problème. Le problème, c'est même pas lui en fait. Parce que lui, je sais même pas. Il est là-haut dans sa montagne, il sait pas ce qui se passe en fait. On lui ment, tu vois, il y a un mec qui a dû lui dire « Je le connais, t'inquiète, c'est je vais le gérer, t'inquiète, c'est un bouffon, ou bien c'est un petit, je vais le gérer. » Mais ce mec-là, il a fait que de lui mentir depuis le début. En fait, il gère rien du tout, il gère personne. Et l'autre, il se fait des films. Donc c'est pour ça qu'il a répondu aussi vite du tac au tac en fait. Parce qu'on lui envoie des fausses informations. Donc toi, tu penses que c'est plus l'entourage qui le chauffe, quoi. C'est lui aussi, c'est eux tous, mais on lui envoie des fausses informations. Donc forcément, lui, il a dû s'imaginer des trucs sur moi. Mais moi, tu vois, j'ai... Dire oui, il est ingrat ou je sais pas quoi, des conneries comme ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tu vois, tu peux encaisser des choses. J'ai encaissé des choses, mais à un moment, trop, c'est trop. Et quand c'est trop... C'est trop picot. On va la noter cette punchline. Voilà. M'attendez pas à tout. Pour finir là-dessus et pour répondre aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens et j'ai vu beaucoup de messages arriver en disant mais tout ça en fait c'est bidon, c'est pas vrai, ils ont fait ça pour la sortie de ton album. Pourquoi? J'ai fait un disque d'or sur un CD que j'imaginais même pas vendre à 5000 ou 6000. Pourquoi je vais venir faire un... Bah pour les cash, fameux coups de buzz, le fameux... Je m'en bats les couilles de ça, moi. J'en ai rien à foutre de cette histoire de buzz, ça m'intéresse pas. Tu vois, je préfère avoir un buzz par rapport à la musique que je fais, par rapport au rap que je fais. Et le rap que je fais, il va arriver très très sale. Après, il va falloir suivre. La street, elle suit. Et c'est peut-être ça qui dérange un peu, tu vois. Dès que le disque d'or, il arrive, ça envoie des messages. Faut le lâcher. Il a pris trop de force. Faut l'arrêter. Donc voilà, moi à ce moment-là, c'est bon, je réponds plus de rien et je suis le petit à personne et je lâcherai rien. Je lâcherai rien. Et tu vas continuer, alors voilà, les voix se séparent un peu, peut-être un jour se retrouver, qui sait? Je vais rapper ce que j'ai à rapper. D'accord. Je m'en bats les couilles des voix ou des je sais pas quoi. Et donc t'as pas peur de sa vérité qui va balancer? Je m'en bats les couilles, chacun sa vérité. Bon, et tiens, j'en profite pour. Je tiens à préciser parce que je sais pas ce qui peut se passer. C'est vrai qu'on est un peu dans un épisode permanent et quotidien. Demain, l'émission sera enregistrée jeudi parce que tu seras à Bordeaux. Ouais. Voilà, donc s'il y a un tweet qui est envoyé, un Instagram qui est envoyé, donc n'attendez pas une réponse, n'attendez pas tout ça demain entre 20 et 21. Photomaton-man. Vous pourrez venir écouter l'émission parce qu'il y aura du live avec toi demain, à pas louper. Beaucoup de pianotage sur les pianos. Voilà, demain ce sera entre 20 et 21, mais voilà, l'émission sera enregistrée, donc voilà, pour conclure là-dessus, et si jamais quelque chose est balancé là, après 21h ou demain. Quelque chose sera balancé, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Toi, tu seras à Bordeaux. Faut faire très très attention à ce qu'on balance. Faut faire très très attention, pas balancer des conneries ou je sais pas quoi. Et toi, tu seras à Bordeaux, donc demain en concert, il est bon de le rappeler aussi, parce qu'il y a la musique avant tout et les concerts, et tu seras du côté de Bordeaux. On sera du côté de Bordeaux, voilà. On va faire un gros show comme d'habitude, on va mouiller le maillot avec des gros classiques, des bouchons de Liège, des jeux bibi, des os, voilà, que du gros son à l'heure. Il y a des choses qui changent à chaque concert que tu fais, il y a des choses que. Je sais pas que tu. Des morceaux qui bougent, il y a des. C'est au feeling. C'est au feeling, c'est quasiment toujours le même concert, mais ça dépend des gens que tu as en face de toi, ça dépend de l'humeur, ça dépend de comment tu te sens. Quoi qu'il arrive, il faut donner. C'est tout ce qui compte, c'est donner au public ce qu'il t'a donné en fait. Qu'est-ce qu'on va passer dans un instant, Caris? Qu'est-ce que tu veux balancer comme morceau? Tu vas mettre l'intro. L'intro du CD2? Exact. Et ben on attend de la mettre même maintenant, juste avant la pub sur Skyrock. Direct. Allez, c'est parti, c'est extrait d'Or Noir par 2, c'est ce qui ouvre justement cette partie 2. Back to the future, to the future, to the future. 27. Thérapie. Tu m'as croisé dans le Bronx. Regard froid et de lynx. 2-7-0-4-1124, la réponse pour le Sphinx. J'encule tous ces négros faibles. Leur mouille se mélange à leurs règles. Condor sur le sommet, je vois tous les pigeons quand je plane au-dessus des aigles. On est dans le sous-marin, t'es sur le ponton. Ça tire plus que sur les tendons. Fais un faux pas et mon équipe t'ouvre la chatte jusqu'au menton. Tu le sens quand je rappe que j'ai le truc. Tu le sens mon bras dans ton huc. Nord, sud, est, ouest, où que tu sois, tu sens mon souffle sur ta nuque. Mon dos cache le soleil. Gagne du temps, je te conseille. Je vais faire perdre de l'oseille. Je vais faire perdre de sommeil. Elle traverse les frontières. Le ventre rempli de mes business. Vends la baignoire, la nourrice. Attends que mes business. Je passe en dehors des clous. Je me range avec les miens. Je chasse avec les loups. Et je mange avec les chiens, je suis au niveau supérieur. Je vais faire trembler les membres inférieurs. Les armes arrivent de l'extérieur, d'après le ministre de l'Intérieur. Ma mère est fière de moi, je me tape comme Attila. Leicester, la honte du père de Nabila. Je rappe comme à Chicago, t'as le flow de Patrick Juvet. Ramène-moi ta gauche du crash sur son duvet. Je suis comme un produit dopant, mais je suis non détectable. Je suis sur un siège chauffant. Sur un siège éjectable, bitch. Tu peux pas me test, ni à la seconde, ni dans 10 ans, bitch. Tu peux pas me test, ni dans ce monde, ni dans le suivant. Trouve-moi, fusil, cross, marron, en train d'essayer de peser. Ma mère couchée à la place de ton daron, en train d'essayer de baiser. Ta mère, je vais faire couler le sang de tous ceux qui n'aiment pas ma peau foncée. Je vais rajouter du rouge sur ce putain de drapeau français. Tu sais pas au CLA, tu nous négos, on sait faire ça. C'est possible ici bas, tant que gynéco RSA. Faire du bif avant que la vie ne te roule une pelle et ne t'enterre. Attends que l'État te tende la main, attends qu'il gèle en enfer. Le gouvernement et ses lois, des rotkas. Que des devs avec du sang et de la demeure sur leur vodka. Faut que tu piches que je rigole pas. J'suis stock, ma, ni coke, ni col. Ah, j'me prépare comme un soldat. C'est l'intro de Or Noir partie 2 qui est dans les bacs depuis lundi, qu'on peut télécharger légalement aussi avec Caris à l'instant. Ouais. Ça, c'est le genre de morceau voilà, que t'aimes bien faire aussi sans Caris, refrain. Caris combat contre les vidéos montages. Voilà. Contre les petits malins du net, le geek. Geekman. Mais en même temps, t'y vas pas, tu me dis sur le net, ou alors on te rapporte des trucs, mais t'es pas. Ouais, mais parce que c'est de la merde. Des geeks, mon frère. Bah, y'a pas tout, y'a des trucs intéressants aussi sur le net. Ouais. Pour trouver tes clips, par exemple. Ouais, YouPorn. Ah, ils sont sur YouPorn. Ouais. C'est pas inintéressant non plus. 2-7-0, poteau. Bon, Caris avec nous entre 20 et 21 dans Planète Rap. Dans un instant, il y aura un gros freestyle. Est-ce qu'on mettra juste avant un son ou pas, Caris? Tu veux rebalancer un son, un morceau de l'album? On a le temps. On a le temps. On trouvera le temps. Pablito. Pablito? Ouais. Voilà, ça c'est extrait d'Or Noir, c'est ton morceau préféré. Kiff, je me fais un petit kiff, voilà. C'est ton morceau préféré, tu nous l'as dit en début de semaine. Si. Pablito qui arrive et grosse session freestyle avec beaucoup de monde. Les images sont sur skyrock.fm, allez faire un tour, vous allez voir que c'est y a du brouillard sur ce vent dans le studio ce ouais, soir. Ouais, de ouf. Ça fume à tout va, ça boit à tout va. Et ça vit quoi. Et ça vit et ça ouais, freestylera à tout va dans un instant, ne bougez pas, le Planète Rap revient juste Croco, après ça. Croco, t'es prêt ou quoi? Comme toi, Caris a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Avec le morceau Pablito extrait d'Or Noir par 2, Caris. 2-7. Caris. Caris. La came doit servir à remplir la caisse et la caisse doit servir à racheter la came. La vie veut ma mort, je suis sur le macadam. J'ai dit je suis hardcore, je n'ai pas d'état d'âme. La calache est pleine dans le Audi. Plus de sang dans les veines, on est maudit. Je retire pas mes chaussures, tout le monde y est passé. Je défonce ta que je neige, je rentre comme dans un taudis. Tarzan va vendre la CC à Chita. Je vois du violet à travers mes guitares. Je crache partout si tu veux de la maillot dans ta pita. Maintenant tu sais que je suis le père du bébé de Rachida. Je grimpe et je vais toucher l'Olympe. Sale fils de rien, je veux bouffer mon imp. Tu pues la derme, en plus tu racontes nappe. Même Stevie Wonder verrait peut-être une grosse tape. Cherche des conseils quand je trouve le sommeil, cherche l'oseille dès que je me réveille. Ouvre tes oreilles ou je t'enfonce mon orteil. Je suis noir à cause de la morsure du soleil. Je veux des plaques et des plaques. Je veux des plaques mais des claques. Ah, AK-47 Bosniak était mort comme le préfet Erignac. Papito, Medellin, je suis venu faire du sale et je ferai ce qu'il faut. Papito, Medellin, je veux de la péruvienne, des grammes, je veux des kilos. Papito, Medellin, mitrailleuse armure de guerre dans l'hélico. Papito, Medellin, je suis venu faire du sale et je ferai ce qu'il faut. L'occasion de revoir un négro qui les attrape par le col avec humain. Je ne suis qu'un animal, du tout c'est des deux héros, je veux juste être enterré comme un humain. Je suis dans la cuisine, je farcis des douilles vides et leurs trous de balle avec du cumin. 7,62 en cas de pépin, lèche-moi la queue et le fiac, je suis enfin. La rage de mon cartel va dépouler, j'arrache des portes, j'artèle dans la foulée. Charasse, goût caramel, je vais la rouler, calage dans ta cervelle, tu m'as saoulé. 93, je suis bien dans ma tour, 100 kilos de muscle, je pèse comme un ours. Je regarde ton dos nu, je ne pèse que le pour, je ne te baisse plus ton cul, je te baisse ton amour. Jamais mon navire ne bouge, pirate, retire à la banque, je retire, rochis de ta bouche et tu retires les poils de ta langue. Plus je monte, plus c'est glissant. Plus je pense au CL600. Lâche une grosse caisse en pissant. J'arrose et parfume le rap depuis 10 ans. Papito, Medellin, je suis venu faire du sale et je ferai ce qu'il faut. Papito, Medellin, je veux de la péruvienne, des grammes, je veux des kilos. Papito, Medellin, mitrailleuse armure de guerre dans l'hélico. Je ferai ce qu'il faut. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Caris entre 20h et 21h. Et Talsa Doom dans l'ascenseur du building. Et c'est pas tout, il y a du monde ce soir, il y a du freestyle qui se prépare dans 2-3 minutes maintenant. 2-3 minutes. Juste avant, il y a Crisco de Garches-lès-Gonesse. Salut Crisco. Ouais, Crisco, bien, bien ou quoi mon gars? En forme? Bien ou quoi Caris? Si, si, on est là. Si, si. Toi, tu vas lancer le début de ce long freestyle qui va prendre part sur l'antenne dans un instant. Ok. Tu es prêt Crisco? Ouais, je suis là. Allez, session live par téléphone, on t'écoute. Crisco, Corby Commun, dédicace à tous mes gars. Ici. Ah. Ouais. Ouais. Écoute. Ah. Écoute, ça fait. Ouais. Ouais. Et ouais beau gosse, tu me connais pas, appelle-moi Crisco Pluto. Tu dis que tu me vois, je suis même pas là, je suis sur Pluton. Commune, on a toute soif que du Gucci, lui Vuitton. Je garonnais les bottes et le reste est Vuitton. Car Charcel, la carrée, la capitale. Un conseil, ne mets pas les pieds si t'as pas de carte vitale. Ici tu peux retrouver que des mecs de la rue. Toi et ta meuf, vous avez kiffé mon flow sur un fru. Le son, tu peux l'écouter en boucle. Je suis tellement précieux qu'on peut me comparer à une escarboucle. Les MC pour moi c'est tous des petites billettes. Tu m'as cherché maintenant tu me trouves. Je ne joue pas à cache-cache. Ouais, ouais, je ne joue pas à cache-cache. Tu m'as cherché maintenant tu me trouves. Je ne joue pas à cache-cache. Hein, ouais, je ne joue pas à Crisco sur Skyrock, okay, ça fait Crisco. Mal, ça fait mal. Ok Crisco, si si. Garches-lès-Gonesse à l'instant, merci à toi Crisco. Garches-lès-Gonesse, si si. Petit dédicace. On est là, Corby Commun. Petit dédicace à passer, on t'écoute, vas-y Crisco. Ouais, je dédicace tous mes gars, Corbu Commune. Et tous les gens, vous pouvez me retrouver sur Facebook K-R-Y-S-K-O Crisco. Et Twitter, Crisco Official. Crisco Official, ok, ça roule. Ouais. Merci à toi Crisco, en freestyle à l'instant. Haute freestyle maintenant. Caris, tu vas laisser ta place, ton micro. Petite Zefra pour finir. Voilà, t'as vu quand Jean a un problème avec Pierre, ou avec Paul, ou avec Sébastien, ou avec Xavier, leur dénominateur commun de tous ces mecs, c'est Jean. Donc il y a un moment où il faut se poser une question, t'as vu. Ça peut pas toujours continuer comme ça. La rodka, faut que ça cesse. Sur les deux yeux de la daronne, je vais pas me faire de rodka. Jamais. Je lâcherai rien. Très bien. C'est ce que dire au poteau. Ce que tu voulais ajouter. Les mecs, freestyle est fort. Juste avant de passer au freestyle. Si, si. Allez, c'est parti maintenant. Messieurs, vous prenez place. Chacun se présente juste avant de rapper ou pendant le freestyle, allez-y. Yeah, Ixo, rappeur de la Toki Team. Rappeur de Sevran. Rappeur pour l'équipe DR de Sevran, de tout Sevran qui est là, quoi. Et bah, quand vous voulez, session live maintenant. L'ennemi, tu sais pas c'est qui. La même dégaine que Chief Kick, mais je kick mieux que lui. Rien de méchant dans mon daros pépé. On les arrose pépé. Énervé comme le code 45. T'as raison de vouloir porter plainte. Mais les gros sont atteints, on t'allume, tu t'éteins. Faut que je me calme, mais j'ai pas déraillé ce train de vie. Pour mes Zaza, des héros, Alina, danger, le rap est menacé. On touchait le casier, X traficanté. En masse, je passais, occupé. Je sais, négro, changer, faut sortir le GP. Ratatata. Personne pour te venger, c'est la vie d'Aloca. Tu te moquais, choqué, hein? Tu te moquais, choqué. Mais sur face aux identités, ces rappeurs sont truqués. Je prends l'heure dans le rap, fais-moi voir ton ticket. La street valide pas comme le 9-3 des femmes, baby. Je préfère rester dans l'ombre. Une pute de bouquin, archidam. Une pute de bouquin. 93 low qui pousse le rap au mardi. Jeune grossiste investi dans la ZICMU. Nique les sous de la crabe dans la ZICMU. Tout ça m'amuse, X il abuse. Un bon temps, par bon, et juste ton anus. Sur conseil de deck, je vais les cramer ces mecs. T'as pas de vécu, t'es qu'un mytho. Rappé, c'est bête. Ils viennent tous en limousine, j'arrive en grosse compète. Grosse plaque de sang, il a payé sa dette. Grosse plaque de sang, il a payé sa dette. T'as des tours et des parkings, faut niquer l'architecte. Faut niquer l'architecte. Méchant et bête, tu le best of the best. Xo, faut pas me laisser devant un micro. Faut pas me laisser devant un micro. Je vais partir en un coup. M'excuser avec des coups sur la tête de vos mères que je rappe mieux que vous. Sol des Bamoum. Il vous plaît, Jean. Le bras rougement. Très très corner. Conseil de tech tech, je vais les cramer ces mecs. Just just. Un. Baisse tout le monde. HDI. Le bras rougement dans les bassins. J. Pardon, bar. Solo le mythe. MDF 11. RGD. Ouais, Samad. Solo. Et la procureure. Laisse sortir le beau-frère. Connasse. Yes. Yo, libéré de capsule. Tout le monde, je t'arrête ma petite gueule. Yasko. Mais qui es-tu? Moi c'est Solo le mythe. Solo, Solo le mythe. Solo le mythe. Moi c'est Solo le mythe. Solo, Solo le mythe. Mais qui viens-tu? Décalé les gars, vous êtes décalé. Remets, poulant. Ouais, c'est pas grave, on va kicker. Chance. Wesh, les gars. Ouais, y'a du monde ou pas? Vous êtes décalé. Hé, suivez. LDF 11. Mais qui es-tu? Moi c'est Solo le mythe. Solo, Solo le mythe. Solo le mythe. Moi c'est Solo le mythe. Solo, Solo le mythe. Mais d'où viens-tu? Sevran RGT. RGT. RGT. Sevran RGT. RGT. Mais qui es-tu? Moi c'est Solo le mythe. Solo, Solo le mythe. Solo le mythe. Moi c'est Solo le mythe. Solo, Solo le mythe. Mais d'où viens-tu? Sevran RGT. RGT. RGT. Sevran RGT. RGT. Wesh. Wesh, t'inquiète, on gravira les échelons. Ce qui est sûr pour percer, négro, c'est pas nous qui te lècherons. Les rappeurs sont tous gays, sont dans le game, nous on les laisse. Wesh, bosse depuis des années, pourtant je vois que leur niveau reste. Lèche, MC Elvis Presley, snipette à la Wesley. Mettre à l'abri la mif, oui frérot, c'est au charbon malgré le bracelet. Ici c'est Sevran, ouais. Le premier qui se rebelle, qui joue les shows, la sanction c'est. Fait des comptes, même si t'es laid. On dira que t'as embelli. Mais là, c'est de tes bons flips qui vont t'arracher ton bolide. Tu vas réapprendre à marcher, même à marcher, t'es amoché. Au comico, les comptes aimeraient tellement savoir ce que je sais. Ce que tu sais, cache-le. Mieux vaut garder le silence. Sache que si t'es une balance, les assassins bossent en freelance. Drive by, bang, bang, bang, bang. Grave, on s'amuse. Salut, l'argent sale, ça nous a eu. On s'allume, mais ça les amuse. Ça les amuse. On la violence, je reste un muslim. Mais gros, la rue c'est rude. Bombe de Bruce Lee, si t'es tout slim. Tu veux jouer au dur. N'oublie pas de muscler ce que t'as sous le slip. Même dans le futur, sache qu'un moustique restera un moustique. Petit, pas de force en tête à tête. Tu tiens plus debout, plus debout. Pour liquide, tu reviens. Bang, bang, plus debout, plus debout. Pour lui jouer au ouf, il est mort sur le coup. Sur le coup, tu vas finir au nœud creusé sans le moindre sou. Mais qu'est-ce que t'attends? Tout niqué, frérot. Casse. Magie R. Ouais, ouais, c'est vraiment solo le mythe, solo le mythe, solo le mythe, c'est vrai. Jésus, roule l'île. La breu. Hey. Mais vous êtes zèbre. On voit la prod, hey. Bré, bré, bré. Ouais, pour tous mes haytos. Boboche. On s'exclut. Thérapie musique. C'est lui qui a la prod. Hey, Boboche, on est là. Pour tous les frères incarcérés. Yas, Selim, Jou, Bezos, tout le monde, nique sa grand-mère, tout le monde. Hein? 6-0, 6-0, là. Hey, Boboche, le centre, normal. Sanga, on t'oublie pas, ma petite gueule. Hein? On rouge moule, bureau. On va foutre un feu, foutez le bordel, ma gueule. Ce soir, on nique tous, c'est le 93. Ouais, Dario, normal. Dario. Cray, 6-0 pour vous. Trouve-moi dans le blizzard. Truant dans un tello. Une lunette me fait prendre du bas. Pas besoin d'être un tello. Les calas sont fausses pour les smiths. Mais pas pour les bracos. Le crack ramène du liquide. Seulement avec un verto. Dans le PG tu fais pas tout. Mais ils voient seulement le blow. Je fais péter leur partout. Avec des grenades sur le bateau. 13 à la niaque, on va des snapchats de la bac. Si tu vois la nac, nickelé dans un virage, t'es replaqué. C'est plus des couilles, c'est ta chatte. Pour un frère, je me mouille comme la pluie. Les bois traversent le parapluie. Tu peux te renseigner, j'ai des frères russes comme Bernard Tapir. La mort a sifflé la bougie. Non, HLM, non, plus de vie. T'as plus le droit de parler, tu peux te cacher. En plus, quand elle suce, c'est la OG. Arrête de jacquer pour rien. La Russie, la base pour rien. Y'a du sang sur le sur, hein. Mais ça détaille comme mes cousins, hein. La rue la vraie c'est pas quand t'as la plus grosse sautée. Mais quand tu manges à l'adapter, plus trop penser. Oh, si je meurs tu meurs. Si je vis tu vis. Dans la mort on est seul. Seul Dieu peut nous pardonner. Alléluia. Ici c'est la rue la vraie, pas qu'au lambda. La rue la vraie, Sevran, Sevran, la rue la vraie. Boboche, Boboche, la rue la vraie. Sevran, Sevran, la rue la vraie. On est hard, ma petite gueule. Hein, Vinou, Vipcus, Doudou, vous êtes de l'autre côté, vous avez pas pu rentrer, c'est le four ici. Comme dirait Karis, c'est le zoo. Encore du bruit, les frérots. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. On est là, c'est pour Karis, on baisse tout sa grand-mère. Prêt, un mec du 9-3, reste un mec du 9-3. Viens, c'est bon. Nous sommes plus. Sale de bombe. Bandit à Gal Life. Thanks. Triple Banks. Thanks. Et 13 blocs au foyer, là c'est les chiens. Thanks. Une dot pas mon frère. Thanks. Thanks. Thanks. Les chiens au micro, ma gueule. Tu les as jamais entendus? Je te les entends aujourd'hui, enfoiré. Et ça, elle livre. Le carré. Thanks. T'es mal rémunéré, même quand t'as la mairie. Yes, I live. Ah, je me suis trompé. 13 blocs en foyer. Pas. 13 blocs en foyer. 13 blocs en foyer. 13 blocs en foyer. 13 blocs en foyer. 13 blocs en foyer. 13 blocs en foyer. 13 blocs en foyer. 13 blocs en foyer. Yes, I live. T'es mal rémunéré, même quand t'as la mairie. Faudra pas venir pleurer quand les petits vont mûrir. Vous comprendre que mourir dans la haine, c'est pourri. Patin pour se nourrir, les crimes seront horribles. Horrible. Le genre a pris le dessus. Domine comme gendarme vers le dessus. Comme des bénos. Besoin de stup. Je pourrais te montrer ce que je vois en une heure de stup. Comme un homme des balles, elle me rapproche des plus. Bâche, ceux qui te la mettent dans le cul. La balle de l'enfance dans ton pull. Parle qu'avec les testicules. La dalle fort sort, je ne mange même plus. La balle change plus, à la sainte en plus. 13 blocs, yes I, c'est fort. Yes I. Ce fois pour les intimes. Putain de ta mère va te montrer. Banks, Banks, Banks, Banks, Banks, Banks. Foy. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est roux. Putain. Y'en a marre. Yes, ah. Très fort. Écoute ça. Libéré capsule. Dieu dans toi t'apprendra à voler. Jamais t'aurais dû parler au poulet. J'espère que Superman t'a déjà passionné. Parce que le but c'est de te laisser aller. Un strap tu sors de tôle, tu nous vois à Bix. Je veux grailler des thunes grossières comme Obélix. On est des loups, demande à Zedou et VX. 2, 2, 5 comme Oufou et Félix. Un pièce serait une chambre d'hôpital. Oui, on t'a carnaille, on habita. On est de mauvaise humeur comme nos pétards. Prêt à t'arroser, pousserons des pétards. Il faut m'arrêter, ça a déjà pété. On vous rend malin, comme des diabétiques. De nous tu doutes, espèce d'imbécile. La puissance de fin, à la Jobetti. Fight, let's block on fight. Ok, secteur branche. Yes I live, love. Let's block on fight. Let's block on fight. Let's block on fight. Yes I live, love. Le flow qui nique ton bénéf sur tout tes lits. 30 et LV, ton Porto les stars révis. Ton 13 Porto les stars révis. Ton de la tête c'est petit Eri. Ton tu dis que ton touche tort comme du chi. Enfin pour l'instant parlons peu et free. Ton yes I live. Génération 10h, 11h, quand j'ai le vol 6h, 7h, même les chillers habitent à l'heure, arrivent à l'heure comme un fonctionnaire. La bibli locale, un peu dans un local. Transaction dans une bibliothèque. Si t'es bizarre, va sur le deck. Si t'es bi, autant que tu saches, je te jetterai l'œil pour ton deuil. Il faut des soulages, y'a que ça qui me soulage. Le maillot, je l'ai mouillé. La bibli locale, tous les jazz. Dans un putain, j'ai eu le maillot, je l'ai mouillé. La bibli locale, tous les jazz. Le bi, ah, très bloc qu'on foire. Hey yo, hey yo, foire les chalons, les dots. Yo, ça est lui. Yo, ça est lui. Le bel, le gros, le pic. Et ça, pour ses casse à tête. Oscar, rentre droit pour ta. Balance normal. Tout le monde. Tous les pirates qui sont là, bourreaux cachés, tout. Tout le monde. On voit l'instru, Ray. Vas-y, frère, on voit ça, copain. On voit l'instru. Ouais, fini, là. Faut pas y aller. On voit ça, man. Vraiment balancer l'instru, là. On voit l'instru. 13. À mon avis, il y a un petit problème au niveau technique. On va essayer de régler ça dans un instant. Triple fuck, le bloc 13. De quoi? Reste branché, gros. Allez, une dernière instru pour conclure le freestyle. Ok. Allez, c'est parti. Le chaland, 13. Et à l'OCK, 13 au chiffre. Et la rose. La rose, le blanc. Ouais, allez, c'est reparti. Dernière instru. Et là, c'est du ciel. Bon, les chalands, bon le bon. Pour parler, garder la pêche pour tous les dios au Hebs, casque, micro, casseur, petit Samari. Pour les dios qui montent le taga jusqu'à Paris. Pour un mec, ma gueule, je commettrai des barbaries. Quand on cause des pites, la calache des chaînes. On m'a dit des hits, tu peux en faire à la chaîne. Sur ton TikTok, tu peux boy, ça se renseigne. Ça se renseigne et ça demande des conseils. Laisse pas passer ta chance, tu n'en reviendras pas. En bas, tu parles dans les saisons, t'es qu'un appât. On prêtera ta porte, y'a du bif à la clé. Ça laisse pour une boîte, tu blagues aussi, sous la craie. Je suis dans, Négro, 13 blocs, hein. C'était la session freestyle dans Planète Rap. Fini, merci à vous pour cette session, grosse session freestyle. C'est le baron. La session freestyle avec une grosse équipe du 9-3 qui a débarqué ici dans le studio. Merci à vous. On va faire tourner la roulette maintenant et essayer de retrouver Caris qui doit être dans le coin pour conclure ce Planète Rap. C'est parti, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre les toutes premières places de concert Stromae. La roulette qui va tourner avec Manon des Nains Beaumont. Ça va bien, Manon? Oui, ça va. En pleine forme. Écoute, ouais, bienvenue dans le studio et dans cette grosse session freestyle à l'instant. Oui. Bah, bonjour l'équipe, en tout cas, bonjour Caris. Et il est là, salut, on a trouvé Caris parmi. Ça va. Parmi tous ceux. Parmi les centaines de freestylers qui ont débarqué dans le studio. Manon, tu es prête à faire tourner? On y va. Ah, mais là, ma petite Manon. Il y a le truc anti-fumé qui est tombé. Ah ouais, tellement que ça fume. Crie fort, Manon. Le truc est tombé, il est tombé dans le studio. Tu peux crier? Vas-y, ouais, quand tu veux. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, Manon. Et bah, concert de Stromae, c'est fait. On te fait un bisou, Manon. Profite bien du concert. Manon, je suis triste, hein. Je suis très triste, Manon. Pourquoi t'es triste? Ah, crie pas autant pour moi. Hein. Ah, monsieur, tu vas venir voir. Non, Manon. Je veux faire la même chose pour toi, pas de soucis. Ah, je kiffe, Manon, je kiffe. T'as vu? Je suis corda. Elle s'est bien attrapée, Manon. Bien joué, Manon. Merci beaucoup, je peux passer une petite dédicace? Vas-y, ouais. Alors, je fais une dédicace à ma meilleure amie qui est là avec moi. Je fais un gros bisou à ma maman qui m'écoute en bas. Je fais une grosse dédicace à Nono, à Nani, à tous ceux qui me reconnaîtront. Et merci, Skyrock, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment au top. Et bah, merci à toi et on te fait des bisous, Manon. Moi aussi, je fais des gros gros bisous. Salut, Manon. Très belle soirée. Zay, elle est partie, Manon. Ah oui, elle continue à crier, toute contente. Ouais. Bon, c'était chaud, Caris. C'était chaud. Hein. T'as écouté? Ouais, j'ai écouté. T'étais dans le coin parce que je t'ai perdu un moment. Ouais, je suis parti dans la pièce à côté. Ah ouais, trop de fumée. T'étais au frais. Force. Bon, grosse session freestyle à l'instant. Grosse session freestyle de. Une bonne partie des rappeurs de Sevran, il en manque encore sûrement. Mmh. Il y avait Wormsty qui était là pour représenter Boboche. Boboche, ouais. Il y a j'en place une pour Bondy, j'en place une pour la Courneuve, tous les gens du 93, toutes les banlieues, tous ceux qui kiffent le gros rap sale. On va rappeler que l'album Hors Noir est dans les bacs depuis lundi. Hors Noir part 2. Est-ce qu'on met un petit dernier morceau pour conclure? Ouais. Mmh. On va mettre Zo. Zo ? Ouais, Zo. Ah bah très bien. Bah. Allez, le morceau Zo maintenant. Et puis on va retrouver la radio libre de Difool dans un instant. 01 53 40. Grosse dédicace à Damso et Hanaf. L'incroyable geek. Geekman. Aucune peine, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la glace. Je veux savoir ce que ça fait de prendre leur place. Je m'entraîne à sourire devant ma glace. La capitale dans le Paris est. Tout arrive de Colombie, arrête. Je rappe sale tellement avarié que mais ces putains de rats attrape la diarrhée. J'encule Brandon et Dylan. Si c'est PD, crame en napalm, j'veux la palme. J'm'en bats les couilles de qui rend l'âme. J'crampe mes cookies dans tes larmes. Les singes viennent de sortir du zoo. Armé comme à l'époque du clos. L'ange de la mort dans la peau. Les singes viennent de sortir du zoo. Voir me la stiquer. J'te mets en location, t'es maqué. J'vais devoir te niquer. T'es en rotation, t'es claqué. Faudra m'expliquer. Dans le cal, but du surplus de quelques barrettes. Transversal, but du turfu. J'la mets en pleine tête. Ta mère la sale pute. Il est trop tard pour Shahed. C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Ça sent la sueur au labo. Des trackers sous le capot. Sans perdre tous les bracos, visé en plein cœur, tous ces raclos. 3 litres de V6, 6, 6, que les ficelles de tes strings qui te soutiennent. Qui te soutiennent. Je te baise et les draps s'en souviennent. Gros bras pour que Kadia tout vienne. Me fasse un Rio Gras ou un Tchèp ou Tchèp. La chambre est assez grande pour plusieurs chaînes. Le torse est assez large pour plusieurs chaînes. Dans le monde des blancs, les billets sont mauvais. Chez nous, l'animal dominant est un noir chauve. Quelques grammes par jour dans le pif. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Le nom d'un mort tatoué sur la peau. Les singes viennent de sortir du zoo. Les singes viennent de sortir du zoo. Armés comme à l'époque du clos. L'ange de la mort dans la peau. Les singes viennent de sortir du zoo. Ton cadavre est à quelques plombs. Le sang est plus épais que l'eau. Armés comme à l'époque du clos. Les singes viennent de sortir du zoo. Que c'est que ces deux R.O.V. Le zoo, ouais, le c'était zoo le zoo ce soir. En noir par deux, c'était le zoo. Dans l'émission. C'est trop chaud. Grosse session freestyle, demain il y aura du freestyle. Ouais, grave. Ouais, je voudrais quand même en placer une petite pour Emmanuel Balou, Déborah Balou, la famille Oku, tous ceux qui me soutiennent, la famille Pacou, Linda Pacou, Raphaël Pacou, Damien Pacou, et le petit Esteban, je vous aime. Et 7-0 est là. Et demain tu seras, tu seras à l'antenne de Skyrock entre 20h et 21h. Exact. Et en concert aussi du côté de Bordeaux. Demain soir à Palouf. Venez soutenir. On va faire un gros show. Merci Caris. Merci à vous. Merci à toi, merci à tous ceux qui sont passés en freestyle, qui nous ont écoutés dans toute la France. Tu t'es bien présenté ou pas? Terrible. T'as compris ou pas? C'était un gros freestyle. Bah, c'est bon alors. Prochain rencard demain, 20-21. Merci Caris, merci à vous tous. Or Noir est dans les bacs et là. Or Noir retrouver... par 2, BTTF, Bondi Nord, KWA et Kaital Sadoum. On va retrouver Difool maintenant qui est là. Ouais, c'est gros show demain à Bordeaux et gros show ce soir sur Planète Rap. Oui, hein. Tu as croisé du monde? Ah oui, il y a du monde. C'est un hammam. Bah, c'est un hammam et puis pour passer en fait, il faut foncer quoi. Ah oui, en plus tu viens d'arriver en courant, ah. Difool comme chaque soir, comme chaque soir. Non, moi, je suis là depuis un petit moment déjà là. Après ton j'ai entendu la roulette, j'étais en bas, j'ai filé direct. Normal. Merci Caris, demain soir, on nous parle Planète Rap. Merci à toi. Les Bordelais, loupez pas Caris à Bordeaux. S'il reste des places, profitez-en. Et puis le nouvel album, part 2 de l'album Or Noir. De l'album. Avec plein de nouveaux sons à l'intérieur, des sons qu'on vous passe sur Skyrock. On écoutera sans doute d'ici minuit. Là, on aura un petit d'ici minuit. Ah bah oui. Un petit Caris à écouter. Et demain. Bon et demain soir. Et Bossieux est là, mais oui, elle est là, tu l'as entendu. Ça fait toujours plaisir de t'entendre. C'est Marie Bossieux. C'est gentil. Ça lui donne un grand sourire en tout cas. Ouais, Caris, c'est hein. Clair. Ouais. C'est le petit surnom d'amour qu'il a trouvé Caris. Ouais, mais c'est mignon. Ouais. J'adore. Et bah de retour très vite, Caris, sur Skyrock demain, juste avant 20h. Et puis dans la radio libre, quand tu veux. Quand tu veux. Mon gars, bien ou quoi? On est là. Sevran en force, mon pote. Ah, bah je vois que Sevran envahit la radio. C'est bien. Sevran envahit Skyrock. Vous aussi envahissez Skyrock de la France entière. Pas que Sevran, partout. Vous nous appelez 01 53 40 30 20. Ouais, toute la France va faire péter là toute la soirée jusqu'à minuit. La radio libre, c'est parti. Planète Rap de Malo retour. Il juste a ramené avant les meufs, c'est pas. Alors, oui, ah ouais, c'est... oh là, oui c'est vrai, t'as pas dit. J'avais raison ou pas? Ah oui, t'avais raison, des petites nouvelles. Donc c'est vrai qu'on en a pas reparlé hier. On a envoyé Cédric dans la rue, c'était avant-hier. Ah oui, quand t'es passé en fait. T'es passé nous voir, Cédric. Cédric est parti dans la rue et comme tu viens de le dire, il est revenu bredouille. Tu sais combien il s'est pris de râteau dans la soirée? Des dizaines de coups de marteau sur la tête. Ouais, mais combien? 15? Non. Oh là, plus. 20? Non. Plus. 270? Moins. Moins. 4124. Combien il a dragué de meufs, Cédric, le soir? Il aurait pu, hein. Aïe. Plus de 20, moins de 470. Aïe. Ouais, ça fait déjà trop. 25 râteaux, il s'est pris. 25, waouh. 25 râteaux à la soirée. C'est pas mal. C'est pas mal en une soirée. Ouais. Pas mal du tout. On a fait 2 fois 10 minutes à peu près. Bon chiffre, mais dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Non, mais il retentera le coup, hein, je te rassure. Hein. Peut-être ce soir, on verra s'il est chaud, mais il retentera le coup dans la rue. Si. Cédric ne s'arrête jamais, il a raison. Merci, Caris, toi aussi, tu t'arrêtes pas. Demain soir, juste avant 20h, Planète Rap. Et là, dans un instant, c'est parti pour la radio libre de Skyrock. Vous nous appelez, comme je vous le disais, de la France entière, on vous attend. Radio libre jusqu'à minuit avec tiens c'est jeudi soir le problème du mois retrouvé ce soir. Ouais, c'est parti direct. Salut les gars, salut Caris, salut Fredo. Ciao à demain. Ciao.